ス肌に香り立つ緑黒髪乱れ着て唇よ押せてささやくわ儚き恋の歌こぼれる乳首は桜色摘んでみましょうかこの指で トシトシ はしらい深く乱れます刺激ゆうしぐれ Sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître renard, par odeur alléché, lui tint à peu près ce langage. Hé, bonjour, monsieur du corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez. Tu pommes wa hu, kurami hana to saku. Sushi le bonjour. Koshi ichi nete hoshi ikai.